Lisbeth, en apparence brouillée avec Madame Marneff, s'installa chez le maréchal Hulot. 10 jours après ces événements, on publia le premier ban du mariage de la vieille fille avec l'illustre vieillard, à qui, pour obtenir un consentement, Adeline raconta la catastrophe financière arrivée à son Hector, en le priant de ne jamais en parler au baron qui, dit-elle, était sombre, très abattu, tout affaissé. « Hélas, il a son âge !» ajouta-t-elle. Lisbeth triomphait donc. Elle allait atteindre au but de son ambition. Elle allait voir son plan accompli, sa haine satisfaite. Elle jouissait par avance du bonheur de régner sur la famille qu'il avait si longtemps méprisée. Elle se promettait d'être la protectrice de ses protecteurs, l'ange sauveur qui ferait vivre la famille ruinée. Elle s'appelait elle-même Madame la Comtesse ou Madame la Maréchale, en se saluant dans la glace. Adeline et Hortense achèveraient leur jour dans la détresse, en combattant la misère, tandis que la cousine Bette, admise aux Tuileries, trônerait dans le monde. Un événement terrible renversa la vieille fille du sommet social où elle se posait si fièrement.